La cave. Épisode 5. Ninja Scroll. Yes, sir. Salut Jake. Je suis content de te voir. Hey, ça fait une full longtemps qu'on n'a pas fait le podcast en plus. Ouais, ouais. On va faire un petit message d'intérêt public avant de rentrer dans le plus positif. On va faire une exception à la règle de plus s'excuser. On va juste dire que nous sommes désolés pour le petit retard. On a eu des petites contraintes logistiques. On voulait faire un petit spécial pour l'épisode 5, mais ça va aller plus tard. Donc, coordonner nos horaires. On l'avait-tu calé, c'était quoi putain? Ouais, tu l'avais dit, mais là, tu t'en rappelles plus, c'est ça? Ben, on avait dit que c'était Tekken. Ben, là, tu viens voir. Ouais. Calvaire! C'est pas grave, ouais, vous dit. Ben, c'est ça, en fait, on voulait avoir un invité, puis ça s'est prouvé un peu plus difficile de l'avoir, mais l'épisode va être fait dans le futur, le futur proche. Et l'autre... C'est pas le prochain, c'est l'autre d'après, genre. Moi. À la fin de moi. Ouais, bientôt. Et l'autre raison pourquoi vous avez dû attendre d'entendre nos chaudes voix suaves, c'est que la fin de semaine dernière, vendredi, ben, le 30-31 mai, 1er juin, c'était le Festival de BD de Montréal. Et pour ceux qui le savent ou non, qui me connaissent, en fait, moi je suis affilié à l'organisme Front Froid, qui fait la promotion de la BD et des auteurs émergents en matière de BD québécoise. Donc j'étais derrière la table à vendre des livres, à représenter l'organisme. Et puis aussi, moi et Jake avons fait une BD pour Exposine en la foire de l'objet imprimé alternatif à l'automne dernier. Et le petit truc. Comment t'appelles ça, la foire de l'objet imprimé alternatif? Ouais. C'est l'Exposine, ça. Ouais. La foire, c'est vrai, c'est pas tout, ça? Non. Waouh, je savais pas. Okay. C'est pas le DIY. Moi, j'avais pensé à Exposine point, là. Je pensais pas la foire de l'objet. Ah ouais, non, c'est pas le sous-titre, mais okay. C'est comment on peut décrire ça. Là. Oui, ok. C'est okay. Un peu l'antithèse du salon du livre, là. Ok. Ouais. Le seul salon où les artistes peuvent boire de la bière en vendant des livres. Ça, c'est le fun. Ouais. Mais bref, c'est ça, notre production de l'automne, Grip. Mm-hmm. Un pied broché de la BD très brute. C'est retrouvé dans les nominés pour le Festival Bédélis, pour les prix Bédélis, pardon, donc, qui sont évalués par un groupe de jury pour déterminer les meilleures productions dans différents volets. Ça m'a beaucoup touché, ça. Oui, ça m'a beaucoup touché d'être, ben, d'abord surpris, et ça m'a très réjoui, mais ce qui m'a plus touché, ce sont les gens qui sont venus à la table, ou en tout cas durant le festival, durant les soirs, qu'ils soient auteurs, ou amis, ou inconnus, qui m'ont dit qu'ils ont aimé ça, que donc un contact direct, puis c'est ça. Moi, j'ai toujours un peu d'insécurité par rapport à ce que je fais, si c'est de la crap. Fais, non, mais... Malgré tous les compliments, mais tu sais, moi, ça compte pas. C'est comme si ta mère te disait que t'étais bon. Moi, je t'aime, puis tu sais, t'es mon ami. Sauf que peut-être la raison pourquoi moi, ça m'a moins touché, c'est parce que dans le fond, Grip et Crap. Ouais. L'autre qu'on va le faire, là. On s'entend que c'est une collaboration, là, puis qu'on travaille vraiment bien ensemble, puis on aime ça faire ça. Sauf que c'est vrai que c'est plus ton bébé à toi, dans le sens que tu mets beaucoup plus de temps dessus, puis d'énergie, puis tout. Puis c'est comme si t'étais l'architecte, puis moi, je t'aidais à construire la maison. Mais c'est ton brainchild, tu sais, c'est ton truc à toi. Fait que quand. Ouais, mais ça se construit à deux. Je veux dire, je peux pas le faire sans toi. C'est ça que je dis. Je peux pas le faire sans toi, puis tu ajoutes, puis mon implication et ton implication, ça se limite pas au scénario, moi, dessin, toi, là. Non, je sais. Sauf que, tu sais, pour ceux qui ont jamais entendu parler, tu sais, c'est une BD qui, de ma part, fait extrêmement rapidement. Là, fait trois que souvent 50 en 2-3 jours. Oui. Exactement. 50 pages en 2-3 jours. Fait que le style, il est très spontané, naïf, puis à la limite, botché, mais c'est comme voulu. Fait que, tu sais. Moi, je le prends pas dans le sens genre, oh, le monde aime mon dessin, tu sais, parce que je sais que c'est pas ça qui brille. Ce qui brille, c'est le storytelling. Puis ça, on le fait à deux, t'as raison. Ouais. Sauf qu'il y a beaucoup d'idées à toi là-dedans. Puis, sais-tu quoi, man? J'ai eu le plus beau compliment, man. Vas-y. Je pense que Jean-Michel te l'a pas dit. Jean-Michel Bertium, qui est dans promo 9e art et 7e antiquaire, qui nous a d'ailleurs fait une petite. Une belle accolade. Exact. Ouais. Fait que merci, Jean-Michel, on t'aime. Oui. Il était avec sa blonde dans le lit. Oui. Puis il lisait Grip. Puis je sais pas s'il était dans le lit, mais en tout cas, j'ai imaginé dans le lit avant de se coucher. C'est ça qu'il disait, oui. Puis sa blonde vient de Lévis. Puis l'histoire de Grip se passe à Lévis, fait que sa blonde a fait juste comme checker au-dessus de son épaule c'est quoi qu'il lit, puis elle fait « Hein? » C'est le collège. C'est le collège de Lévis. Puis « Hein? » C'est en face de l'anglicane. Puis hein, hein, hein. Puis c'est Doom, juste pour vous dire comment qu'on travaille ensemble, c'est il documente tellement bien ses scripts que tu me mettais des liens Google Maps. Genre. Ouais, ben là, c'est comme la première fois que je faisais ça, je pense. Puis toi, ça t'aidait parce que tu pouvais voir tous les plans, puis tu pouvais jouer. Là. Mais ça, mais ça. Ouais, puis tu sais, c'est tellement brillant comme outil. Puis tu sais, c'est fucké. Parce que tantôt, je te montrais, j'ai acheté Grocery. Ouais. Qui se passe. Chez Anne Comment. Par Saint-Gelin et l'auteur, le scénariste, je me rappelle plus, je me merde, j'ai un blanc, c'est pas grave. Puis il disait que tu sais ça se passe dans une vraie ville, puis il allait là par Google Maps. Fait que les environnements qu'il y a dans BD sont vrais aussi. Wow. Fait que tu sais, c'est vraiment un outil. Puis tu sais, je sais que Michel aussi fait ça pour Québec, puis tout. Tu sais, tu peux aller te promener à Québec juste par ça, avec l'espèce de street view. Là. Ouais, puis tu peux aller dans les petites rues au Japon, puis... Exact, ouais, fait que c'est un astuce de bel outil pour faire de la BD. Hein. Cool. Fait que voilà, on n'a pas gagné. Le prix a été décerné avec raison à Carlos Santos avec son œuvre Silent Worlds. Ouais. Qui est malade en passant. Ouais, ouais, ouais. Carlos Santos, moi je le connaissais à cause de En Masse. Ah, ok. C'est, je pense pas que c'est un des fondateurs, mais c'est un des gros joueurs dans En Masse, le collectif là, qui font du street art puis des murales et tout ça. Fait que j'étais allé à son lancement à cause de tout ça, puis finalement, genre, on a full pris du temps ensemble, on a full jasé, il m'a fait un dessin dans son sketchbook. Fait que tu sais, c'est comme, tu sais, c'est un collègue, c'est un ami qui gagne. Fait que tu sais, personne n'était amer, là. Personne n'était genre, fuck you! Fait que c'est félicitations, Carlos. Ouais. You're a cool dude. Ouais. Fait que voilà, c'est pour les gens de Montréal qui seraient curieux ou qui n'auraient pas leur copie. Il y a des copies à la librairie Planète BD sur Saint-Denis entre le métro Sherbrooke et Montréal. Allez faire un tour, demander pour Laurent Boutin, l'homme roux le plus désirable du monde. On dit blond cindré, hein. C'était pas... Non, c'est blond cindré. Blond cindré, c'est pas... blond vénitien? Ah ouais, je pense que... Ouais, t'as raison, c'est très ça. Il y a une très belle âme. Alors, on t'aime, Laurent. Fait que... Sur ça, on va clore la parenthèse. Ouais. Ouais, ouais. Alors, maintenant, allons-y vers le plus positif. Oui. Cinquième épisode, Jake. Hey, man! Hey, merci. Attends un petit peu. Juste mettre une petite tonne de victoire. Un peu... Ah, man! Ah, ouais! Regarde, là! Ouais, là, ça fait du bien! Hey! Ouais, bravo! Hey, on vient faire un level up! Yeah, man! Non, hey, tu te rappelles-tu le temps qu'on s'excusait? Ah, oui, c'est dans ce temps-là, man! Ouais. Hein? C'est long, le temps que je prenais des synopsis de 20 minutes. Oui! Dans nos vieux débuts, ouais, là, tu sais, écoute, 5 ans déjà. Hey, je veux dire, 5 épisodes! Ouais, hein? Ouais, ouais. C'est tout à cause grâce à vous, Que... Ben en fait, c'est grâce à 3 personnes qui download beaucoup de l'épisode. Ouais. Fait que merci, Michel. les deux autres, on les connaît pas. Alors, c'est nos mères. Ouais, c'est genre nos mères, arc. Ouais. Fait que, ouais, man. Puis en plus, là, on parle de Chris, un de mes films préférés à vie, man. Un de mes films. Tu sais, quand on me demande c'est quoi qu'il y a dans mon top 5 de films à vie, je réponds tout le temps, genre, spontanément, genre, okay. Akira, Blade Runner, puis il y a tout le temps Ninja Scroll dans la liste. C'est quoi les deux autres? Les deux autres, ça serait probablement, fuck, un Spielberg, fait que... OK. Je sais pas lequel, là. Puis, ah, là, tu m'as pogné comme... les culottes à terre. Ouais, tu m'as pogné les culottes à terre, mais tu sais, comme, c'est dans mes films préférés à vie, ça, c'est sûr, là. T'sais. Ouais. Puis je me rappelle, comme on disait dans le premier épisode, je pense c'est un qu'on a connu très tôt. Puis ça a vraiment laissé une marque indélébile, là, j'imagine. Ouais. Avec raison. Puis ça, on va juste faire un petit synopsis avant du film. Ouais, mais j'aimerais ça tantôt raconter comment j'ai découvert ce film-là, parce que c'est vraiment tordant. C'est notre structure. Oui, c'est ça. C'est ça. On suit la structure. Ouais. Si tu me permets, je vais essayer de pas faire comme dans le passé, puis faire un synopsis de... Mais là, t'as un level up. Ouais, ouais. Ça devrait être meilleur. Mais je peux avoir des level down. Non, on fait juste monter. C'est comme dans Final Fantasy. OK. Tu peux avoir des spells genre poison, puis tout ça, mais... Tu prends un Phoenix Down, t'es correct. Un Phoenix Down, on en a full, ouais, OK. Alors, Ninja Scroll, film de 1993 du réalisateur Yoshiaki Kawajiri. Raconte pas les aventures, mais un segment du périple d'un personnage qui s'appelle Jubei, donc un ninja errant, puis qui tombe sur une contrée, qui va vite se rendre compte qu'il est habité par des démons qui ont une quête de pouvoir et d'argent. Ouais. C'est bon, puis, ben, je rajouterais juste, parce que c'est ça comme le plot device, parce que lui, vu que c'est un Ronin, il travaille pas pour personne, mais il se fait comme crosser là-dedans. Ouais. Fait qu'il se fait juste pogner par un agent du gouvernement qui l'empoisonne, puis qui, si dans 24 heures, il n'y a pas d'antidote, il va mourir, fait qu'il force à l'aider dans sa quête. Voilà. Et voilà ce qui se passe. C'est ça. Ouais. Et c'est bizarre, mais ça fait le film le plus awesome de toute la vie. Puis tout le monde à qui j'en ai parlé, puis c'est peut-être à cause de la nature du film qui est très... Il y a quelque chose de quasiment adolescent là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de violence, beaucoup de sexe, beaucoup d'action. Fait que tout le monde reste sur l'impression que l'histoire est conne, mais l'histoire est fucking bonne, puis est tellement bien écrite, puis il y a tellement de petits, t'sais, de twists, puis de petits trucs qui s'entremêlent. Ouais. C'est comme crois, l'histoire est vraiment pas conne. Je crois que la première fois que quelqu'un regarde le film, c'est certain que son attention va peut-être pas être à l'histoire, ou tu ressors pas de ton visionnage avec. Genre le scénario était donc malade. Voilà, tous les petits détails. Tu fais « Ah, c'est cool quand il est coupé la tête. » Mais comment as-tu connu ça, toi, Jake? OK, man. C'est tellement hot. C'est encore avec G. Que, on a déjà parlé dans le passé qu'on allait, oui, à l'Université Laval, mais on avait un club vidéo, genre, loue 8 films pendant 8 jours, pour 8,99, un enfant dans le même. Puis il y avait des animés. Puis on l'a loué, là. Puis, bizarrement, à chaque fois qu'on en écoutait un, on le tapait en VHS en même temps pour que moi j'aie une copie puis que G ait une copie ensuite. Ouais, c'est juste pour des archives pour plus tard. Mais à cette époque-là, c'était tellement malade, genre, qu'on était comme, man, on peut pas écouter ça juste une fois. Genre, fait, t'as raison, ça nous prenait un backup, tu sais. Ouais. Puis, j'étais chez G, là, faut se rappeler qu'on a à peu près. Lui, je pense qu'il est 15, moi j'ai 16. Ouais. Et Ninja Scroll, malgré ce qui est marqué sur la pochette, c'est 18 ans et plus. Là. Je veux dire, il y a énormément de sexe. Ouais, encore là, on va faire une référence aux épisodes précédents. Je pense que c'était celui de Mononoke. Ouais. Là, clairement, on a une autre preuve que les gens de la régie du cinéma du Québec font pas leur job parce que, c'est ça, comme tu as dit, beaucoup de sexe, beaucoup de violence, des démembrements, des viols, et c'est 13 ans et plus, parce que c'est des petits bonhommes dessinés. Exact, exact. Fait que, fuck you, la régie. Honnêtement, moi, je ferais écouter ça à mon fils de 13 ans. OK. Pour vrai. Parce que je pense que, tu sais, s'il est supervisé, puis s'il se fait expliquer, je pense que c'est... C'est souvent ça. C'est facile de pointer du doigt toutes les tueries. Ah, ben, c'est à cause de Mortal Kombat, puis c'est à cause de Marilyn Manson. Non, tu sais, passe du temps avec ton enfant, puis regarde, accompagne-le, parle-lui. Puis c'est tellement déresponsabilisant de dire, ah, c'est quelque chose de l'externe, puis on s'en lave les mains. Ouais. Fait que bref, on est ensemble dans le salon. Ouais. On est en train de taper ça sur VHS avec deux vidéos, un par-dessus l'autre. Je sais où tu t'en vas, continue. Et Louise, que j'aime tellement. Louise, c'est comme ma deuxième mère. C'est la mère à G, mais tu sais, c'est elle qui me prépare des sandwichs quand je la vois. Puis que, bon, tu sais, je l'adore, cette femme-là. C'est une fan finie de Star Trek. C'est une fan finie de Star Trek. C'est ma deuxième maman, c'est la plus cool au monde. Sauf qu'à l'époque, tu sais, on a 15-16 ans. On pense qu'on est tout seul qui se branle, puis que le reste de l'humanité se branle pas. T'sais, on était vraiment idiots. Puis Louise, elle sort pendant qu'on est en train de taper le film, et elle passe la balayeuse dans la cuisine. Fait qu'elle est dans l'autre pièce, mais elle peut quand même voir la télé. OK. Et entendre. Et dans le film, dans les premières minutes, OK, il y a un viol. On voit, tu sais, à peu près 10 minutes in, on voit le personnage de Tessai qui peut se transformer en pierre. Oui. Qui viole Kagero, le protagoniste féminin principal. Puis il la lèche de partout. Et puis, fait que là, G, le réflexe tout de suite qu'il a, c'est de pogner la manette, puis de faire. TV vidéo. Mettre sa musique plus, genre. Puis là, il est comme, ah, on l'écoutera tantôt, le film, et nous, on l'enregistre, ah ah ah ah. Puis là, tu sais, lui puis moi, on se check, genre, fuck, puis on regarde Louise voir si elle nous a vu, puis elle a rien vu aller. Fait que là, on attend genre 5-10 minutes, puis je pense, je dis à G, ok, je pense qu'arrête, là, on... La scène doit être finie, genre, on retourne. Fait que là, il retourne, et en même temps, 10 minutes plus tard, man, il y a une fille qui se fait fourrer, puis qui crie d'orgasme, puis fait que tout de suite, il la relève, puis on n'a jamais été game de rechecker, jusqu'à temps que le film soit fini. Ah oui. Puis on a attendu, man, le soir, pour aller dans la chambre à G, déploguer une vidéo, remettre ça dans la chambre à G, puis là, on l'a écouté au complet, et on a capoté notre vie, genre. Parce que là, malheureusement, pour les gens qui connaissent pas le film, c'est pas juste des passes de sexe, il y en a deux dans le film, ben, peut-être deux, trois. Ouais. Mais, tu sais, le film est vraiment pas à propos de ça. Puis ce qui est drôle, c'est que j'en ai reparlé des années plus tard à Louis, j'ai raconté ça, comment qu'on était con. Est-ce que c'est Elle avait rien vu aller. Elle m'a dit, j'ai jamais rien vu aller. Puis elle a dit, même à ça, ça aurait pas été grave, là, tu sais, les gars, là, tu sais. mais ce que j'y expliquais, par exemple, c'est que moi, je défendais ces scènes-là dans le film parce que c'est pas gratuit dans le sens... tu sais, ça, ça a sa place dans le scénario, premièrement. Mm-hmm. Et deuxièmement, tu sais, juste pour démontrer la nature, genre, des méchants qui sont... Tu sais, qui voient des humains comme des espèces d'insectes. Là. C'est comme des poupées de chiffon pour eux autres. Ouais. C'est toutes des astuces psychopathes qui sont encore lisses, tu sais. Fait que ça, je trouvais ça comme intelligent. Puis en plus, tu sais, comme ça a une partie importante dans le scénario plus tard. Fait que... Parce qu'en fait, les démons, ils ont des apparences humaines. Ils ont juste des habiletés extrêmement surhumaines. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas des spectres. Ils interagissent très bien physiquement avec le reste, là. Tu pourrais en voir un en rue, puis pas penser que c'est lui. Puis ça, je trouvais ça tellement cool aussi. Tu sais, moi, je trippais bien gros sur X-Men, puis tous les comic books du genre américain. Puis là, tu sais, ce film-là qui arrive, que tout le monde a des pouvoirs, mais c'est jamais expliqué. Puis on te met jamais une mise en scène pour ces pouvoirs-là, genre un espèce de build-up, genre, ouh, attention, lui, il fait ça, ça sort tout le temps de nulle part, puis tu fais, wow! Fait qu'ils s'en servent tout le temps pour créer un punch narratif, tu sais. Tu sais qu'il y en a 8, mais tu sais jamais c'est qui, tu sais jamais qu'est-ce qu'ils font exactement. Puis, un autre affaire, là, on va peut-être trop vite. C'est notre cinquième. C'est notre cinquième, ouais. Ouais, on est rendu full à l'aise. On se garde. Une autre affaire, c'est ce que j'ai vraiment trippé, c'est que le héros, c'est un des plus grands sabreurs, escrimeurs, ninja de tous les temps. T'sais. Sauf que il gagne toujours par chance. Ouais. Fait qu'il gagne jamais parce que il est le meilleur, puis il est plus hot, ben, ou il est plus intelligent. Il se sert de ses aptitudes, mais au final, c'est des petites circonstances qui font en sorte que ça joue pour lui. C'est ça, il y a juste un combat qui gagne, comme véritablement. Mm-hmm. Toutes les autres, c'est tout le temps genre un coup de luck ou... Tu sais, justement, t'sais, c'est une circonstance. C'est coïncidence, je veux dire, t'sais, quasiment. Là, t'sais. Fait que ça aussi, ça m'a marqué, genre... Ça rend le stress puis l'empathie pour le héros tellement plus élevé parce que tu fais comme... OK, il serait supposé être mort, tu sais. À chaque combat, tu fais comme... Non, il est pas supposé... Puis ça arrive jamais dans les comic books là, américains, là, de l'époque, en tout cas. C'est tout le temps... Il gagne parce qu'il est plus fort ou il est plus intelligent ou nanana, tu sais. Fait que là, ça fait comme... OK, moi aussi, j'ai une chance. Moi, je suis pas le plus fort, je suis pas le plus intelligent, mais peut-être avec la chance, je vais réussir. Fait que je me suis reconnu dans le personnage. D'accord. Toi, comment t'as découvert ça? Ouais, merci. J'allais t'interrompre. Je savais pas si t'allais continuer trop loin. En fait, je me rappelle justement que c'était dans les premiers que j'ai vus. Mais honnêtement, je me rappelle pas si je l'avais loué moi-même ou c'était après vous avoir connu que toi, tu m'avais refilé une copie ou peu importe. Là, mais... Je dis que c'est cool de s'être connu en découvrant ça. Ouais. Mon anecdote est pas mal moins hot que j'ai rien à dire sur la découverte, autre que ça. Ça a laissé une marque, là. C'est comme quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant. Là. Même si j'avais vu Macross puis Toshinden. On en a parlé souvent, mais moi, je suis tellement nostalgique de cette époque-là parce que. Ben, c'est un peu aussi pour ça qu'on. Qu'on fait ça. Parce qu'on est des fans de nostalgie parce que le futur nous fait peur. Mais moi, le futur me fait pas peur, mais. Il y avait quelque chose là-dedans, man, de découvrir un nouveau monde. Ouais, je pense qu'on sent que, d'une part, avec la facilité d'accès maintenant Ça se fait. C'est moins magique. Ouais. C'est moins magique. Puis c'est comme si tu trouves un disque, un magasin de disques indépendant, plutôt que de le commander sur Internet tout cuit dans le bec, ben ouais. T'as travaillé un peu, t'as fait une démarche. Ouais, ouais, ouais, ouais. Puis c'est comme deux trucs vraiment cool, parce que, tu sais, de un, on découvrait ça, puis après ça, on s'est rencontrés, puis on a dû faire que chacun de notre bord, on découvrait ça. Ouais. Parce que c'est pas moi qui t'ai fait découvrir l'animation japonaise, tu sais. Ouais. Fait que c'était comme... De un, c'était déjà rare le monde qui trippait là-dessus, puis après ça, on se rend compte, puis on se rend compte que tous les deux, on trippe là-dessus. Fait que, tu sais, c'était comme... Waouh! C'était... Ouais. C'est... Good times. Ouais. Je pense que ça, c'est avec notre club vidéo, puis le VHS, puis les premiers titres qu'il y avait disponibles. Mais je pense que quelques années plus tard, Télétoon, en français québécois, avait fait un petit volet animé, puis Ninja Scroll, c'était un des films présentés. Oui, Ninja Scroll, puis Macross Plus. OK. OK. Puis il y en avait un autre, je pense que c'était Wings of Onyami. Ouais, que j'ai jamais vu, en fait, Wings of Onyami. Ben, il va falloir l'écouter. Ouais. Parce que ça vient du même studio, si je me trompe. C'est pas. Ça, c'est le premier Madhouse qu'on a vu. Exact. Mais juste vite comme ça, je te mets les culottes à terre. Mets-moi les culottes à terre. Ouais. Madhouse, les autres productions. Écoute, c'est un des plus gros, là, avec production IG, là. Ouais. Fait que Madhouse, my God. Ils ont fait récemment Redline. Okay. Ça vient d'eux. Ils ont fait beaucoup de segments dans Animatrix. Okay. Ouais, ils ont fait tout, c'est eux qui ont fait toute la série. Je sais que c'est pas culte, là, mais pour les gens qui connaissent moins ça un peu, toutes les adaptations de Marvel en style animation japonaise, oui, c'est oui, Madhouse oui, qui oui. ont fait ça. Ouais. Puis il y a un segment dans le. C'est ça, je pense, c'est une espèce de collectif de short pour le Batman. Oui, exactement. Je sais pas si on fait toutes les shorts, je pense que c'est un studio différent. Il y en a quelques-uns. Parce que je sais que 4 degrés aussi sont là-dedans. Ouais. Puis, mais Madhouse, c'est un énorme studio japonais, sauf que Ninja Scroll, c'est vraiment, ça a la signature propre Kawajiri. Oui. Qui est le réalisateur. Qui Kawajiri, a fait avant, excuse-moi. Ah man, tous ces films, je les aime. OK. Toutes. OK, c'est ça. Moi, j'ai pas vu, mais un de ses plus importants avant, c'est Wicked City. T'as jamais vu Wicked City? En 1987. OK. Imagine-toi Ninja Scroll dans l'univers de Blade Runner. OK. Fait que c'est très similaire dans le sens qu'il y a encore des démons, ouais. Il y a encore cet aspect-là fantastique, mais ça se passe dans un futur imaginé dans les années 80. Okay. Fait que c'est full synthétiseur. Ouais. Écoute, il y a une fille qui est une espèce de femme fatale qui fume dans un bar, qui veut se pogner le héros. Oui. Puis finalement, il couche avec, puis ses jambes s'écartent, puis elle a comme un gros vagin géant avec des dents, puis elle essaie de le bouffer à travers ça. T'as encore un petit vieux pervers qui est comme au centre de toute l'intrigue, comme dans Ninja Scroll. OK, fait que t'as les mêmes archétypes. T'as vraiment les mêmes archétypes. Puis c'est génial. Là. Kawajiri, c'est y a quelque chose que... Ce qu'il démarque le plus de toutes les autres, c'est son sens du style. Oui. Puis de l'économie d'animation, mais pour que ça ait de l'air cool. Oui, ça, le dosage est très bon dans le film. Très, très bon. Tu peux avoir des scènes d'action très bien animées, c'est le cas. Ouais. Mais des fois, c'est juste un cell qui bouge. Mais il s'en sort tout le temps pour que ça ait de l'air ouais, hot. Ouais. Fait qu'à la place d'avoir de l'air cheap, ça a de l'air d'un effet cool. Mm-hmm. Genre, mettons, un ninja qui se promène de gauche à droite puis qui bouge pas, tu sais, c'est juste comme tu dis, un cell d'animation, ouais. Mais ça donne un effet cool comme si genre, tu sais, il était quasiment fantomesque, genre. Ouais. Fait qu'à la place d'avoir de l'air cheap comme dans plein d'autres productions, il s'en sort tout le temps pour que ça ait de l'air comme... Ouais. Mais l'énergie aux bonnes places. Exactement. Puis il y a le sens du dynamisme, même juste dans ses designs de personnages. Les personnages ont vraiment tout le temps des petites têtes, puis des longs bras, ouais, des longues jambes, des énormes mains. Fait qu'on dirait que tout est géant. Mm-hmm. Au lieu de penser qu'ils ont des petites têtes, on dirait que c'est tout le reste qui est énorme. Genre. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait le segment dans Animatrix. Program. C'est comment? Program. Program, c'est ouais, ça, exact. On retrouve beaucoup de son esthétisme marquant. Sinon, en 2000, c'était un peu le renouveau, c'était Vampire D Bloodlust. Ça, c'est un de ses meilleurs. Ouais, ouais. Très, très liché. Mm. Puis, tu sais, là, c'est, ça, ça fait vraiment, comme pour les fans de jeux vidéo, là, si vous avez voulu voir un film d'animation de Castlevania, là, c'est ça. Ouais. Parce que ça se passe, c'est ultra gothique, mais ça se passe comme dans l'espace, puis dans le futur. OK. Mais il y a des éléments de western, il y a des éléments... Ouais. Fait que, tu sais, comme à la place d'un satellite qui tourne autour de la, tête, de la Terre, ça va être genre un énorme cathédrale, genre. Il y a plein d'aspects de même, mais t'sais, c'est dans le futur, même si t'sais, c'est comme dans un univers fantastique, dans le fond. C'est drôle, tu parles de jeux vidéo, je trouve qu'avec tous les 8 démons, Ninja Scrolls, ça pourrait quasiment avoir la structure d'un jeu vidéo. Ben, ça en est un. Okay. Et sais-tu pourquoi? Le jeu sur Neo Geo, fait par SNK, qui s'appelle Samurai Showdown. Ouais... c'est fait par le designer de Ninja Scroll. Fait que c'est pas Kawajiri, c'est pas le réalisateur, okay. Mais c'est le character designer. Ah oui. Et si t'en remarques... Là, mais ils sont quand même différents, les designs. C'est exactement le même style. Il y a vraiment des personnages, puis Dakuan... Ouais, le petit vieux qui suit partout. Il est dans Samurai Showdown. Il a pas le même nom, mais c'est exactement le même design. Okay. Après ça, tu remarques juste comment ils dessinent les proportions, comment ils dessinent les muscles, comment les armes sont tout le temps genre surdimensionnées. Ouais. Même son personnage, je pense qu'il s'appelle Hanzo, il est pratiquement pareil comme les ninjas du Dark Shogun dans Ninja Scroll. Il y a comme plein de similitudes, puis ça jouerait de même. S'il y avait un jeu de fight de Ninja Scroll, ça serait Samurai Showdown. Ouais. En fait, je pensais pas à un jeu de fight, mais plus un... espèce de side-scroller, peu importe, que t'as des étapes, puis t'as des boss avec des nouvelles difficultés, puis stratégies pour les battre. Là. Parce que t'as raison, ça a une structure très... t'sais, t'as 8 boss à battre, puis t'as le boss final. C'est ça, puis t'as la fille à sauver. Pis, ouais. Fait que c'est ça, le film te présente ces archétypes très généralistes, si on peut dire. Ouais. Puis avec beaucoup de violence, de sexe, que d'un regard extérieur, ça peut paraître très... encore une fois, généraliste, puis de base, mais il y a quelque chose qui fonctionne. C'est over the top, mais pas trop. Fait qu'ils peuvent se permettre de ça jouer pas trop sérieux, mais sérieux aux bonnes places. C'est ça, c'est parce que je pense qu'ils ont essayé de faire quelque chose pour pas prendre les gens pour des cons. Ouais. Fait qu'il y a une intelligence derrière ça, même si c'est très ado, puis c'est justement la structure de jeu vidéo, puis un gars qui se bat contre 8 démons. Ouais, mais c'est fait avec amour. C'est ça, ils ont voulu faire ça comme cool, tu sais. Ils ont pas voulu essayer de faire comme bon, nous, on s'en crisse du scénario, blablabla. Ils ont fait comme comment qu'on peut faire fitter ça, tu sais. On peut-tu dire c'est quoi nos. T'as-tu des personnages préférés ou des scènes préférées? Ouais, plusieurs. Tu prends un break musique? Ah, ben oui, ben justement, Jean-Michel, j'avais fumé une clope, là. Ah, ouais. je pense que c'est déjà fait, Jim. C'est en cours. Fait que toi, tu veux, pour notre cinquième, tu veux mettre quelque chose qui pend de blood. Là. Ouais, parce que je sais qu'on en parlera probablement jamais, mais c'est un film que moi me faisait penser. Je l'ai découvert en même temps que Ninja Scroll, le trailer était sur le VHS. Ah oui? Fait que j'ai tout le temps associé. Ah, mais c'est avec la sortie américaine, parce que les Ninja Scrolls de 95, puis l'autre, c'est bien plus. Là. Ah, non. X. Okay. On parle de X. Ouais. C'est environ dans les mêmes années, peut-être 2-3 ans plus tard. Ça, c'est plus tard. Mais c'est parce que nous autres, on l'a découvert beaucoup plus tard aussi. En 95. Ben non. Moi, j'avais pas 13 ans quand j'ai écouté Ninja Scroll, là, j'avais 16. Fait que nous autres, on l'a découvert plus qu'en 98, mettons. Puis le temps qu'il se fasse traduire et tout. Mais bref, la toune, c'est X-Japan, puis il n'y a pas de titre, c'est ça. C'est ça, c'est l'affaire. La... c'est ça le band, c'est la toune. World, parce que le band s'appelle X-Japan, puis le film, c'est X. Puis c'est la toune de X. Ouais, fait que ça fait XXX-Japan. XXX-Japan. Tapez 3X-Japan dans Google, vous allez trouver la toune. Puis rendez-moi un service, là. En écoutant la toune, allez checker, tapez ça sur YouTube, genre X-Japan animé, genre, puis vous allez voir le vidéoclip de la toune, puis c'est malade. Fait que X-Japan, everybody. On revient tout de suite. We'll be right back. Avoue, ça torche, là. Ouais. Moi, tu sais, j'écoute ça, man, le matin, je peux pas passer une mauvaise journée après ça. Power metal, mon gars, là. T'as envie d'en tuer en crise des ninjas, là. As-tu déjà vu le à quoi ressemblait Ex-Japan, le groupe, en show, pis tout ça? Oui, pis le pianiste, il a joué contre lui-même récemment. Il a joué contre lui-même? En hologramme, man. C'est, je te jure, man, je te jure. J'ai vu ça récemment. Okay. Pis tu sais, il nomme un pianiste, genre... le nom est japonais, fait que je sais pas c'est qui, pis je me suis dit, ça doit être un pianiste classique japonais. Fait que je clique sur le link, pis là, il y a une espèce de coupe longueuil, glam rock, extrême. Je suis comme, qui c'est ça? Ouais. Finalement, j'ai découvert que c'est le pianiste d'X-Japan. Fait qu'il est sur un piano, devant lui, un peu comme dans Roger Rabbit, Donald Duck contre Daffy Duck. Okay, ouais. Sauf que là, ils sont dos à dos, en tout cas. Devant lui, il y a un hologramme de lui qui joue, puis ils se font un genre de... Pas un battle, mais un genre de duo. Mais il exactement les mêmes... Il complète, là. OK, fait que c'est pas la même partition, c'est pas les mêmes notes. Non, c'est ça. C'est okay. qu'il a été enregistré plus tôt, mais tu peux le voir live, les deux en même temps. T'sais, c'est fucked up. Ouais. Mais c'est ça, en fait, c'est, un des premiers bands, je pense, qu'on peut mettre dans la catégorie, qui appelle Visual K. Fait que très, très flamboyant au niveau des costumes et tout. Puis c'est ça, avec les chevelures super rondes, super crépées, puis c'est ça. Puis après ça, il y a tout eu un espèce de mouvement, je connais à peine, là, mais tu sais, de un peu de féminisation des groupes, et ça joue un peu là-dessus. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est ça. Mais très glam rock, extrême. Ouais, ouais, un peu gothique, babache. Kenji Kawai en serait jaloux. Là. Ouais. Kenji Kawai, pour ceux qui le savent pas, c'est le compositeur de Ghost in the Shell, qui est un génie, sauf que... On dirait que c'est jamais vu. Je sais pas. Il s'est vu dans un miroir un moment donné, puis il a dit c'est cool. Fait que lui, il s'est teint en roux, très flamboyant, avec une grosse coupe longueuil intense, puis un gros toupette crêpé. Puis il écrit de la musique incroyable. Ouais. Là, tu le vois, puis tu fais comme My God, à quoi tu penses, man? Avec Mamoru Oshii à côté, avec son gilet avec un passé, là. C'est malade. Ouais, fait qu'on n'est pas si laid que ça, finalement. Non, on est crispement beau, tout le monde. Non, on est fucking beau. Puis vous êtes beau et belle, toutes les personnes qui nous écoutent. Puis même ceux qui nous écoutent pas aussi. Hein. Tu sais, il y en a des belles filles qui nous écoutent pas. Bon, avant de parler de musique, tu me demandais mes scènes favorites, tout ça. Ouais. Je pense qu'il y en a tellement, là. Il y en a beaucoup, man. Pendant que je pense à ça, tu vois ce qui démarque le style Kawajiri. Beaucoup des flashs, beaucoup comme, tu vois, une ligne, puis là, ça veut dire que c'est un coup de katana, puis après ça, on voit le dommage qui a été fait. Les espèces de fluides lumineux, pas fluides lumineux, mais les flux blancs et bleus un peu. Ouais. Comme Kagero, elle a son arme blanche, puis ça laisse comme une espèce de marque dans le temps. Là. Ouais. Fait que plein de choses comme ça, mais plein d'utilisations brillantes, puis c'est très frais, ça se renouvelle vraiment beaucoup. Il utilise très peu les mêmes choses, plus de deux ou trois fois à travers le film. Exact. Il y a le sens de l'économie, mais ça paraît tellement pas, parce que, justement, ça a tellement de style que tu t'aimes pas de regarder une shot que normalement, ça serait plate. Mm-hmm. Fait que, mettons... Tu sais, je pense à genre la première scène contre Tessai. Je l'ai référé tantôt, le gros qui se transforme en roche. Ouais. Un peu comme The Thing. Fait que là, il y a tout le clan des 20 ninjas de. Un petit peu Mochizuki qui veulent investiguer. C'est quoi le bobo? Ouais. Fait que là, ils se battent dans les arbres. Déjà là, t'as les ninjas qui volent pratiquement. C'est super agile, c'est super fun. Puis t'as le Tessai qui est là derrière un gros arbre. Puis lui, son arme, c'est une espèce de... Boomerang à deux... Ouais, c'est une grosse arme blanche que seul lui peut prendre. Puis ça fait des va-et-vient comme un... Comme un boomerang. Ouais, finalement, ça tue et écorche tout ce qui est dans le passage. Là. C'est ça. Mais il y a une scène, un segment là-dedans que tu vois les gens qui se font pogner. Après ça, les membres déchiquetés, ça tombe, puis t'as une pluie de sang... un petit peu après, mais ça dure juste 2 secondes, mais c'est super efficace. Exact. Ça te reste dans la tête. Ouais. T'sais, comme quand t'écoutes ça pour la première fois, tu fais comme My God, ça, j'ai jamais vu de quoi qui ressemblait à ça. C'est ça. Puis ça arrive souvent dans le film. Ouais. Puis même, tu sais, aujourd'hui, parce que moi, faut le dire, j'ai lâché l'école quand j'avais 16 ans. Fait que je venais de découvrir ce film-là. Puis à la place de genre fumer du pot puis partir sur la brosse, je dessinais. Fait que je faisais juste dessiner à tous les nuits. Puis c'était mon rituel, c'est que je startais. Tu fumais pas de pot puis buvais de bière après? Pas la semaine, non, tu sais, parce que okay, de ouais. Un, j'étais un ado, ah, fait que tu sais, j'avais pas de job, je venais de lâcher l'école, je m'entendais super mal avec mes parents, fait que je vivais de nuit. Puis ce que je faisais, c'est qu'aussitôt que mes parents étaient couchés, je descendais dans le salon en bas, puis je me mettais Ninja Scroll, puis je sortais un sketchbook, puis ça me crinquait, genre. Ah. Fait que ce film-là, je l'ai écouté au-dessus de 200 fois, là, tu sais. Okay. Puis encore aujourd'hui, je remarque des petits détails. Là, c'est sûr que je l'ai tellement écouté que les détails sont vraiment subtils. Oui. Mais pendant longtemps, je remarquais, tu sais, comme des gros aspects, genre, hein, je sais pas, tu sais, comme, il y a un combat entre le principal, Jubei, contre Tessai. Et c'est super weird parce que après le combat, il y a un personnage féminin qui arrive qui est la femme serpent là. Benisato, voilà. Puis qui vire la main du cadavre de Tessai, puis on voit le visage de Jubei dans la main. Puis ça, j'étais comme, ok, c'est un pouvoir qu'elle a, elle voit dans la main, tu sais, les lignes de la main, t'essayes de penser c'est quoi le rapport. Puis finalement, c'est comme quelque chose comme 5 frames d'animation où il prend la tête, puis on voit Jubei qui pousse avec son katana la main. Puis tu sais, comme ça passe super vite. Tu sais, c'est le genre de truc qu'à la première écoute, tu comprends même pas pourquoi ça se peut. Puis le film, il est bourré de juste de petits détails de même. Tu sais, un autre des scènes qui est incroyable, c'est. Tu sais, je pense à justement Benisato. Dans l'espèce de temple de moine avec plein de serpents. Genre, je pense que c'est une des fois qu'on a ri en l'écoutant, parce qu'on vient de l'écouter en passant. Ouais, c'est la première fois qu'on fait ça, on vient d'écouter le film, puis on enregistre tout de suite après, fait que c'est tout frais et dispo dans nos têtes. Fait qu'elle, elle contrôle comme les serpents, là, des tatous de serpents qui sont comme animés sur son corps, mais elle contrôle des serpents en même temps. Fait que là, il y a comme quelque chose comme 20 millions de serpents dans l'espèce de temple bouddhiste. Ouais. Jubei se fait pogner là-dedans. Finalement, Kagero, le personnage féminin. Elle arrive derrière elle avec sa dague. Exactement. Puis qu'est-ce qui se passe, là, d'où? Il y a un serpent qui sort d'une place en bas du bassin, puis entre les jambes de Benisato. Ouais. Fait que ça peut être un ou deux. Ça sort de sa plotte. Fait que tu te dis, toutes ces paroles sont sorties de là, ou what the fuck? Mais trouves-tu qu'il y a une espèce d'aspect Giger ou Alien un peu là-dedans? Oui, parce que les serpents forment un visage à un moment donné. Là. Ouais, non, je parlais plus de deux bouches. Puis, Ouais, peut-être, ok, je l'avais pas vu, mais ouais, okay, why not? Peut-être. D'ailleurs, feu Giger, hein, merci pour Alien. So long and thanks for all the xenomorph. Ah, c'était beau, ça. Ça a sorti de même. Ouais, tu vois, il y a des petites touches, il y a des petits moments magiques. Des petites magies, ouais. Mm-hmm. Sinon, un autre de tes scènes que t'as aimé, c'est juste moi qui parle depuis le début. Ben ça, tu m'as fait remarquer, un des personnages qu'on voit, mais qui est pas nommé souvent, c'est celui qui est en espèce de... pas une robe, mais une espèce de turban mauve qui se cache dans les... dans la noirceur, dans les ombrages. C'est Shizuma. Shijima. Ah, ok. Tu vois, fait que c'est ça. Fait que, il se bat contre Jubei une fois, puis finalement, il finit par capturer Kagero. Mm-hmm. Puis finalement, là, Jubei y va, même sachant clairement que c'est un piège. Puis là, il arrive là, Kagero est comme attaché, puis la jambe élevée. Puis là, c'est tellement un setup de hentai, ça n'a pas de sens. Là. Ouais, mais en même temps, c'est balancé puis c'est intègre pour ce que c'est. Là. Exact, c'est ça focus pas là-dessus. C'est ça. Mais ce que tu m'as fait remarquer, c'est que c'est juste comme un espèce de ton rouge sépia. Qu'est-ce que tu avais dit? C'est en fait, ce qui est malade, encore une fois, l'économie de couleurs et d'animation de Kawajiri à brille encore. Fait que toute cette scène-là, c'est un dégradé qui passe du rouge au orange. Oui. Avec des ombres noires projetées par-dessus. Okay. Sauf que le dessin est tellement détaillé, puis les ombres, les grosses masses noires sont tellement importantes, mm-hmm. que ton cerveau pense que tout est défini, mais dans le fond, il y a juste un dégradé de couleur derrière, juste des ondes noires, puis ça marche super bien. Ouais. Mais le rouge sort plus que l'orange quand même. Ouais, mais c'est ça, c'est que ça te fait croire qu'il y a de la lumière, le orangé qui passe au rouge, te fait croire qu'il y a une source de lumière. C'est ça. Fait que c'est tellement opaque que c'est pratiquement du clair-obscur avec le rouge et le noir. Là. Très bien dit, c'est vrai de ça. Ouais. C'est vrai de ça. Fait que. Bien joué. Ah non, pis ça, tu sais, je veux dire, c'est incontable, genre, comment que, pis c'est, je pense que c'est pour ça que c'est devenu un des réalisateurs importants de Madhouse, parce que il était capable de faire, il comprenait la production d'un film d'animation, fait qu'il savait que en faisant une shot de même, ça allait coûter plus cher que d'une autre manière, fait que ça arrangeait tout le temps pour que chaque shot soit économique, mais sans que ça ait l'air cheap, sans que ça ait l'air ça soit une... poche. Ouais. On s'est dit qu'on n'allait pas vraiment faire de commentaires pendant notre... Quand on l'a écouté tout à l'heure, mais tu m'as dit des petites... T'avais des petites interrogations par rapport à Yuri Maru, qui est un peu à la tête... En fait, tous les démons, c'est les démons de Kimon. Oui. Puis qui sont contrôlés par Gemma, qui est un ancien rival de Jubei, que Jubei a déjà tué, qu'on voit dans un flashback très graphique, qui lui coupe la tête et ensuite la tête revole, puis là c'est un flot de sang et infini. Encore une fois, économie, toute cette séquence de flashback-là est faite en noir et blanc, sauf le sang qui est rouge. Oui, puis les personnages, c'est juste tu déplaces le sel, puis... Puis le gros combat se passe pendant qu'on regarde la neige tomber. Oui. Ça, c'est magnifique. Ça n'a jamais de l'air cheap, ça a de l'air poétique. Ouais. Puis c'est drôle parce que c'est un genre de référence rétro-futuriste, mais ça me fait penser maintenant la tête qui part, puis le sang qui jaillit à l'infini à du Roadkill Superstar. Oui, vraiment. Ouais. Mais Roadkill, parenthèse de même, ils ont tout le temps été extrêmement influencés par le cinéma japonais ou même asiatique par les Shaw Brothers et tout. Ouais. Tu regarderas le montage que François fait, ça ressemble vraiment à des films de kung-fu. C'est tout le temps coupé et comme chorégraphié d'une manière que ton cerveau comprend, même si l'action est extrêmement complexe. Meilleur exemple. Puis ça, ils font... ils sont pas inspirés de Ninja Scroll, mais il y a beaucoup de techniques qui utilisent ça. La première fois qu'on voit Jubei, il marche sur un pont, puis il y a une boule de riz. Puis on voit pas ses yeux pour toute la séquence. Exact, il y a une espèce de chapeau vraiment traditionnel japonais, là, une espèce d'abat-jour là, que ça ressemble. Puis il mange une boule de riz en se promenant sur le pont, puis il se fait attaquer. Puis avant même de dégainer son sabre, il lance sa boule de riz dans les airs. Après ça, tue tout le monde, tu sais, fait son truc. Puis aussitôt que tout le monde tombe à l'eau, tout le monde est à terre, sa boule de riz, il retombe dans les mains. Ouais, pis c'est un peu de montrer comment ça se passe vite. Là. Roadkill font souvent des affaires de même. Ah oui. Genre, tu sais, il va avoir une action. Pendant ce temps-là, il y a quatre autres actions qui se passent. Puis finalement, tu vois la conséquence de la première action qui arrive. Puis moi, j'ai eu la chance de storyboarder ça, tu sais. C'est rare que tu peux dire... Parce que ça, c'est de l'écriture. C'est pas juste un trip visuel, tu sais. C'est vraiment genre de la narration, tu sais, pour que ça soit clair pour l'auditeur puis que ça fasse un effet cool en même temps. Oui. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun d'avoir un script tellement détaillé comme ça. C'est genre ça, l'animation peut être bonne, sauf même si t'as la meilleure équipe de production, si t'as pas ces idées-là, ben ça... Si tu fais juste faire un punch dans la face, tu sais... C'est ça. Puis c'est comme on vient de dire, le film se réinvente de façon infinie. Fait que bref, c'est ça, je voulais dire, celui qui est à la tête, c'est Gemma. Tout de suite en dessous, on a Yuri Maru. Que tu avais un petit commentaire sur sa chevelure. Tu veux dire ça? Je pense que le toupette le plus laid dans toute l'histoire de l'animation japonaise, c'est vraiment un M de McDonald's, genre. Ouais, mais qui ressort de tout, là. Qui est comme apposé, pouf! De... Exactement, il est comme collé dans sa tête. C'est comme une grosse moustache. Ouais, c'est une grosse moustache qu'il y a. Puis ça aussi, c'est intéressant, man. Il fourre son boss. Ouais. Fait que le boss... Gemma, qui contrôle les 8 démons... fourre autant des filles que des gars. Puis ça, quand j'ai découvert ça, genre à 16 ans, je trouvais ça fucked up. Puis j'ai dit, ah, mais les bisexuels sont méchants, dans le fond. C'est ça que ça c'est ça. Non, mais je trouvais ça quand même intéressant. Maintenant que t'as plus 16 ans, quelle est ta réflexion? Ben, je trouve ça vraiment intéressant, puis je trouve que ça rend le personnage... Non, mais par rapport à plus nuancé. Ta perception, as-tu la même perception que quand t'avais 16 ans? Ben, pour vrai, je trouve que ça fait comme s'il était plus... pas intelligent, là. Non, honnêtement, je trouve avec... Parce qu'il y a aussi la... Bon, il s'est réincarné, mais il peut aussi se raccrocher des membres coupés. Et il y a vraiment une maîtrise totale de son corps et à l'au-delà. Contre la technique de la... Comment il appelle ça? Réincarnation. Réincarnation. Réjuvénation. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça, je pense qu'avec... Toute cette idée-là, l'aspect sexuel, c'est plus peut-être plus un truc de symbiose, qu'il n'y a plus de barrière, puis tout est... C'est, tout ça, c'est pour ça que je cherchais, je voulais pas dire intelligent, mais ouais. Dans le sens, il est au-dessus à de la maîtrise, ça. Là, ouais. Il est au-dessus de genre, je fous ça avec des gars, des filles, ouais. Je m'en fous, ouais. Je suis au-delà de tout ça. Il y a souvent des théories sur le Joker, sur l'orientation sexuelle du Joker, que le Joker, il est à tout. Il est autant aux animaux qu'aux petites vieilles que tu sais, il est comme c'est un autre niveau là. Il est pas limité par sa sexualité, genre, fait puis je pense que la sexualité c'est pas nécessairement blanc ou noir là, même si on n'est pas le Joker ou... exact mais ben, moi je l'ai souvent dit, genre deux personnes que je fourrais dans la vie, deux gars Michel Falardeau. Qui est. Ben, je n'aime pas mes amis parce que j'aime tellement mes amis que si je compte mes amis, je vais avoir l'air d'un esti de. Tu sais, là, il y a. Ouais, c'est bon. Mais genre, Xavier Dallam, je le fous n'importe quand. Ok. N'importe quand. On parle. Faut qu'on jase un peu avant, quand même, là. Mais genre, on prend une bière ensemble, pis il fait comme. Hey, t'as-tu déjà fourré avec un gars? Je fais comme moi, un moment donné, pis ça a comme chié, pis il est comme ça, te tente-tu de réessayer? N'importe quand, Xavier, man. Ok. Je le trouve hot, ce gars-là. Il me fait de quoi en dedans, man? Il te touche à l'intérieur. Ouais. Toi, y a-tu un gars que tu fourrais? À part moi, là. À part moi. Je pense. Hein? Mais t'as le droit de dire non? T'as le droit de dire non? Ah, ben, je veux dire, non, je ne réponds pas à votre question. Là, ça reste ça intriguant, là. Je sais qu'il y en a un, mais tu veux pas dire. Ah, non, mais ça se peut qu'il n'aille pas. Moi, avant Xavier Dolan, j'avais personne, là. Alors, il y a d'autres démons qu'on n'a pas parlé. Oui, oui. Il y a d'autres démons. Dirige cette discussion. Il y a d'autres démons. Aide-nous, là. Aide-moi. Un personnage que j'aime beaucoup, c'est Mojuro Otsutsu. Ça, c'est mon préféré, puis c'est lui qui te ressemble le plus. Oui, c'est ça. En fait, c'est le démon qui est aveugle, qui est vêtu de tout blanc. Et en fait, il sauve Jubei Kagero à la suite d'une attaque d'une autre démon du nom de Zakuro, qui, elle, contrôle... En fait, elle, c'est plus la poudre à canon, et elle peut causer des explosions... En travaillant comme ça. Donc, elle fait exploser un ancien cadavre sur une falaise où se trouvent Jubei et Kagero. Et finalement, Jubei se sauve la vie avec son sabre. Puis c'est intéressant parce qu'il y a toujours son sabre, il y a toujours cette petite file qui l'attrape. Ça, c'est un petit détail vraiment cool. Ouais. En moins 2-3 reprises, il a son sabre au loin, puis il confond ses ennemis en ramenant le sabre très vite. Avec un espèce de fil quasiment invisible. Genre un petit fil de pêche. Là. Exact, c'est ça. Fait que c'est ça, le sabre est accroché à une branche, la branche casse et Otsutsu prend le sabre pour permettre aux deux de remonter la falaise. Ça, on le voit juste quand les deux reviennent, puis ensuite, ben, le combat commence. Puis ça, juste dans la narration, ce qui est cool, c'est que tu te rends compte comment il est fort, parce qu'il tient à bout de bras. Ouais. Puis il est en train de supporter, genre, Jubei. Là, deux personnes. Même, comme si c'était Kagero. Facile. Et Kagero, c'est ça, exact. Fait que, puis là, après ça, il y a la scène classique, l'hommage au vieux film de samouraï, c'est-à-dire le combat... Dans la forêt de bambou. D'escrime dans la forêt de bambou, c'est malade. Ouais. Puis je me rappelle, on l'écoutait, la première fois qu'on l'a vu, c'était sur des TV cathodiques standard, t'avais pas le format tes écrans plat 16:9, fait que c'était du 4:3 formaté comme ça, mais même là, les personnages, encore là, déproportionnés, la petite tête, puis tu sais, les épaules ça fitait même pas tout dans le cadre, là. C'est vraiment... Ce qui est fucké, c'est que les épaules sont tellement larges, mais sont pas nécessairement ultra musclées. Tu sais, c'est pas comme, à part Gemma pis Tessai, là, quelques personnages qui sont vraiment des grosses brutes, mais t'en regardes Jubei, il y a comme quand même des bras fins, tu sais. Mujuru aussi, tu sais, c'est pas genre, c'est ça qui est fucké, on est habitué à voir genre souvent quand il y a des petites têtes, genre c'est comme He-Man. Leurs corps sont tellement gros que leur tête a de la petite, mais là c'est vraiment des proportions qui sont comme élastiques, tu sais. Fait que ses épaules sont comme 6 pieds de large. C'est... Mais ce que tu penses, c'est vraiment ses épaules physiques, c'est pas seulement son habit que... qui en donne plus? Mais dans le cas de Mujuru, le samouraï aveugle, c'est les deux. Fait que déjà, il a les épaules larges, puis en plus, il a son kimono par-dessus. C'est ça. Fait que t'as raison que ça dépasse l'écran. On voit pas le bout de ses épaules. Là, Donc, encore une fois, Jubei gagne ce combat par une petite circonstance. C'est Kagero qui est intervenu durant le match. Durant le match. Durant le combat. Mais c'est ça ressemble à ça, un match de fight. Là, et finalement, elle a essayé de... C'est ça, je pense que c'est un kunai, l'espèce de petite dague qu'elle a. Non, un kunai, c'est ça se pitch. Non, c'est... Ah oui, c'est... T'as des shurikens qui sont comme ça, c'est les étoiles. Une étoile, puis un kunai, c'est comme un petit couteau qui pitche. Oui, qu'on envoie souvent. Fait qu'elle, c'est... il faudrait vérifier, là, mais je sais que Yoshimitsu, comme le personnage dans Tekken, c'est un type de sabre, mais je pense pas que c'est le plus petit, je pense que c'est celui qui est... Parce que les samouraïs portaient toujours deux sabres. Un katana et un autre. C'est ça, le plus petit qu'elle a, que Kagero a dans son dos. Parce que ce type de sable-là a été utilisé pour faire le seppuku, pour faire le harakiri qui s'ouvrait le ventre. Waouh, je sais, c'est pas ça. Ouais. Ça fit parce que le personnage a aucune espèce de volonté de vivre. Mais c'est ça, je voulais justement venir à Kagero. Donc c'est ça, elle essaye de frapper Utsutsu. Son arme se loge dans du bambou. Finalement, un peu plus tard, c'est Utsutsu qui essaye de frapper Jubei, finalement frappe l'arbre, l'arme qui est logée dans le bambou, puis là, Jubei réussit à le tuer. Fait que c'est encore un coup de luck, tu sais. Parce que vu qu'il est aveugle, il l'a pas vu, mais c'est vraiment être à bon place au bon moment. Il a arrêté l'arbre d'à côté, puis ça l'a fait tuer, tu sais. Et on va encore parler de Kagero dans le premier combat. Qui est contre Tessai, la grosse brute qui se transforme en roche, comme The Thing. Ben, The Thing, c'est parce qu'il peut pas se transformer à volonté. OK, mais c'est quoi ses contraintes? Il peut pas, il est pas ni de même. C'est pour ça que The Thing, dans les films... Ah, il y a pas de version humaine? C'est... Non, c'est c'est arrivé souvent qu'il redevienne un humain, mais c'était tout le temps avec un fuck. OK. Genre pendant 24 heures, ou genre... À Noël. Avec Charlie Brown, genre. Mais c'est ça, au premier combat avec Tessai, avant le premier combat avec Tessai, Kagero se fait capturer, après la scène d'ouverture dans les arbres qu'on a parlé. Ouais. Se fait ramener, puis elle est inconsciente, puis Tessai qui est en forme humaine. Commence à la licher, commence à la dénuder comme ça, puis la réveille en la... Ça n'a pas de l'air le fun, là. Ouais. Puis encore là, les proportions, c'est une poufée, là. Lui, il est super gros, puis encore... Penses-tu qu'il a un gros pénis? C'est ça, c'est la question, c'est hein. Est-ce que son pénis se transforme? Penses-tu qu'il devient en pierre? Et voilà, I don't know. Ouais. I don't know. Moi, j'imagine qu'il met des femmes en forme humaine, puis qu'aussitôt que son pénis est dans le vagin, là, il se transforme en roche. Puis là, ça fait exploser la fille. Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'il dit à Kagero qu'elle essaye de se défendre, puis il la reprend, puis il fait comme, hey, je veux pas que ça te passe par l'idée que, genre, je pourrais pas violer une femme morte. Là. Ouais, ça me dérangerait pas de violer une femme morte. Exact. Ça, fait que, genre, prends ton mal en patience si tu veux vivre. Fait que t'es comme, ok, t'es vraiment un esti dégueulasse. Genre, si elle se débat trop, genre, on a juste à la tuer, puis on va la fourrer, pareil, c'est dégueulasse, tu sais. Tessai, c'est le pire enfoiré de Ouais, puis il est un peu caricatural au type gros cabochon, je suis gros. Ouais, mais il meurt aussi à cause de ça. Ouais, ben c'est ça. C'est qu'il réussit à l'embrasser, puis à lui toucher les parties intimes avec sa langue. Puis plus tard, Jubei arrive à percer un peu sa carapace de pierre. Mais finalement, on apprend plus tard par Dakuan, le petit vieux, l'espion du gouvernement, qui suit Jubei, que en fait, Kagero, elle a une condition très particulière que... elle est toxique. Ouais, ouais, carrément ça. Fait qu'elle est comme la tombe de Britney Spears. Non? OK. Ouais. Tu manques de culture. Non, fait que si tu la touches, si tu la touches, si tu la fourres... Ou tu l'embrasses. Ou tu l'embrasses, tu deviens empoisonné. C'est ça, et tu meurs. Et voilà. Et tu meurs. Et au début, elle est très... c'est ça, elle est utilisée comme une commodité par son clan parce qu'elle a ces habilités-là de pouvoir tester les poisons et... d'assurer la survie de ce côté-là. Pis ça, t'as-tu trouvé ça intense, man, quand que, tu sais, le boss du clan ninja... Gemma? Non, Chamberlain. Ah ouais, Chamberlain, oui. Qui est vraiment un trou de cul de première, puis finalement, à la fin, on découvre que c'était pas vraiment lui tout le long, fait que ça explique son comportement. Ouais. Mais, tu sais, il donne des ordres, puis tu vois que vraiment, il pense que le clan ninja sont expendable, là, comment tu dis ça, ils sont... T'sais, il les jette au danger, puis tu sais, comme il s'en calisse. Fait que t'as le clan ninja qui essaye de se préparer un plan pour aller voir c'est quoi qui se passe, puis finalement ils vont tous se faire tuer. Puis là, Kagero, la fille, elle arrive, avoue, t'sais, il se passe pas grand chose dans cette scène-là, mais l'intensité, c'est peut-être la musique aussi, je sais pas c'est quoi, mais quand elle a vu sa place dans le clan. Ouais. Elle se fait dire, non, non, toi, il faut que tu goûtes du poison. Là. C'est ça, ta mission. Mm. Puis elle fait comme, non, lui, il n'est pas là. Anyway, je peux pas goûter de poison. Fait que j'ai ma place avec vous. Puis là, elle se coupe. Elle est comme habillée comme une geisha. Ouais. Puis elle coupe ses cheveux. Puis tous les cheveux, ils tombent en face. Ouais. Puis c'est comme, je sais pas si c'est la musique, l'éclairage, le dessin, mais genre, à chaque fois, je fais comme, fuck, c'est intense. Tu sais que c'est intense. T'as-tu vu ça, toi aussi? Ouais, absolument. Absolument. Parce qu'on n'a pas parlé de la musique, mais la musique est malade. Là. Ouais. Elle est vraiment, tu sais, comme. La meilleure musique, c'est celle que tu remarques pas, là. Mais genre, l'ambiance, c'est vraiment genre un mix de traditionnel japonais avec l'orchestral. Ouais. Y a le thème principal de Ninja Scroll ressemble full à celui de Godzilla, là. Tu sais, c'est ça, tu sais, c'est rythmé, c'est lourd, c'est dramatique, puis il y a tout le temps genre de l'espèce de... Une petite flûte, là. Ouais, exact. Puis de l'espèce de... C'est pas une sitar, là, mais tu sais, comme une vieille guitare traditionnelle japonaise, là. Je voulais juste finir avec le personnage de Kagero. En fait, je sais pas si t'avais mentionné tout à l'heure que Jubei suit le petit vieux Dakuan parce qu'il a été empoisonné. Puis un peu plus tard, il lui dit, en fait, il dit à Kagero, si tu veux sauver Jubei, qui va mourir dans moins d'un jour, tu dois coucher avec lui pour contrecarrer le poison, finalement. Ouais. Mais c'est ça, quand j'ai revu ça tout à l'heure, ça m'a fait un peu penser, on peut peut-être un peu la comparer au personnage de Rogue dans X-Men. J'y pense à même en tantôt, je te jure, man, je te jure. Son pouvoir, c'est un curse. Oui, parce que Rogue, elle peut pas toucher personne sans accaparer l'énergie ou les pouvoirs des autres. Ouais. Puis quand elle fait ça avec des êtres humains normaux, ben elle les draine puis elle peut les tuer. Ouais. Fait que ça fait toute une contrainte émotionnelle, physique, qu'elle peut jamais toucher personne. Ouais. Fait que Kagero, elle peut toucher les gens, mais ben un peu comme Rogue, mais dans le fond, les gens qui vont coucher avec elle meurent. Fait que elle se dresse comme un gros mur de béton, mais à l'intérieur, c'est une petite fille qui pleure. Un autre anecdote avec moi et G, je fais ça full rapide parce qu'on finit bientôt. Là, G et moi, quand on l'a écouté finalement au complet, là, sans interruption de Louise qui passe sa valise à côté, tu sais, Kagero, elle se fait. OK, on s'entend qu'elle se fait violer par un gros monstre de pierre. Ouais. Après ça, oui, elle se fait sauver par Jubei. Finalement, le gros monstre s'en va ailleurs, blablabla. Mais en même temps, elle est très forte, elle est très indépendante. C'est pas la petite fille qui pleure, puis sauve-moi, là. C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, elle est très froide aussi, ouais, avec Jubei, ouais, même s'il vient de la sauver, fait qu'elle est comme, merci de m'avoir sauvé, bye, place en va. Puis là, elle est comme dans un champ de lucioles, puis elle se met à quatre, tu sais, elle tombe à genoux, puis elle commence à pleurer. Ouais. Puis G, puis moi, on était comme, mais pourquoi qu'elle pleure? C'est quoi le sens? Tu sais, à cause, c'est japonais, on essaie de chercher le sens, puis t'es comme, gang de cave. T'sais, pis t'sais, on était pas si jeunes que ça, là. On avait quand même 15, 16 ou peut-être même 17, là, je sais pas. On catchait pas qu'une fille pouvait pleurer genre 20 minutes après de s'être faite violer, genre on était comme ben on se goûte le rapport. Pourquoi? Ah, oh, ça doit être la poésie. On était vraiment idiots. La poésie japonaise. La poésie japonaise, c'est ça. Elle pleure parce que c'est poétique. Les lucioles, c'est beau. C'est ça, genre. On clueless, là. On catchait pas pendant tout. D'accord. Moi, je veux me garder peut-être un petit bout pour la shot finale. Fait que je sais pas si t'as de quoi dire. Je m'excuse d'ailleurs, j'ai parlé comme 90%. Non, c'est bon, c'est plus. C'est un film qui t'a. Ben, qui m'a marqué aussi, mais que t'en parles avec plus de fois. C'est ça, moi, ça a changé bien des affaires dans ma vie. Là, c'est un landmark, comme un peu Akira. Ou, c'est un des gros qu'on a vu dans les premiers. Puis encore aujourd'hui, tu sais, on l'a réécouté ensemble, moi j'ai trippé tout le long. Il n'y a jamais un bout que j'étais comme ah, ça, ça a mal vieilli, ou genre ah, ça, c'est cave, ou tu sais. Puis c'est le fun parce que dans ce temps-là, c'était en VHS, fait qu'on avait plus souvent la version doublée en anglais. Donc nous, on n'a pas grandi, mais on a connu ça en anglais, puis on les a réécoutés. Et c'est ça, je pense qu'on s'est dit tantôt, on n'a jamais vraiment écouté la version originale japonaise, je peux pas dire. Non, mais c'est ça. Parce que la traduction est bonne. C'est ça. Fait qu'on vient de réécouter en anglais. Juste en regardant tout à l'heure, avant de venir ici, j'ai vu que l'interprète qui fait Jubei, c'est Koichi Yamadera. OK. Que tu connais très bien, c'est lui qui fait Spike dans Cowboy Bebop. Oh my God. Fait que c'est peut-être intéressant. Ce qui est drôle, c'est que Cowboy Bebop aussi, je l'écoute en anglais. Tu l'as jamais écouté en japonais? Jamais écouté. Parce que Cowboy Bebop, là, le voice acting, il est top. Là. Ouais. Puis je pense que c'est Steve Blum qui fait Spike. OK. Et qui a fait un paquet d'autres affaires. Là, il est dans tout. Là. Il a fait des jeux vidéo, il a fait plein d'affaires. Puis je l'ai déjà entendu en entrevue. Puis c'est super hot parce que Steve Blum, il a déjà fait plein de voice acting avant Cowboy Bebop, mais c'était son premier rôle principal. Wow. Et il a un tatou, et c'est le sound wave de la dernière phrase que Spike dit, et c'est bang. Wow. Fait qu'il a ça tatoué sur le bras, puis ça a l'air d'un gars super cool. Tu sais, comme il parle, puis t'es comme, c'est Spike qui parle, wow! Fait que on en reparlera dans 5 ans, là, on va faire un épisode sur Cowboy Bebop premier. Épisode 205. Fait que c'est ça. Jubei réussit à gravir les échelons, tuer les démons et dans le fond arrive au dernier boss, carrément, Gamma. Ouais. Gamma. Et dans le fond, on n'a pas vraiment parlé, mais il y a toute l'idée de pouvoir, c'est avec un détournement d'or pour pouvoir contrôler dans la terreur et le pouvoir. Tout le territoire. Exact. Ça aussi, c'est une des raisons pourquoi que souvent le monde font comme ah, l'histoire est poche, parce que tu sais, comme c'est vrai que l'intrigue de fond, on s'en fout un peu. Mais quand je disais que le scénario était bon, c'était comment que c'est ficelé, puis comment que c'est dans les détails, que y a un truc qui arrive, tu comprends pas, deux scènes plus tard, tu fais comme oh my god, c'est à cause de ça, tu sais. Fait que c'est vrai qu'on s'en fout un peu de pourquoi le méchant est méchant, tu sais. C'est le boss du tableau de la fond, tu sais. C'est ça qu'on en retient. Ouais. Jubei, en anglais, dit quand même une phrase très percutante. À la fin. La toute dernière fin contre Gamma. Et j'aimerais ça qu'on fasse un hommage à Julien, qui part à Lyon en résidence. Julien Paris-Sorel. Tu devrais écouter ça dans les Europes, dans d'autres visuels. Je pense qu'il va sourire si on y dédie, parce que c'est un inside entre Julien et moi. Okay. Et si on pourrait la dire ensemble... Oui, mais je suis pas sûr de savoir où tu sais c'est quoi, sais c'est quoi. On l'a dit tantôt ensemble. OK. Fait que Julien Paris-Sorel, qui est en résidence à Lyon pendant 2 mois quand même, et tu vas t'ennuyer de tes chums. Mais si t'écoutes la cave, puis t'as un petit frisson d'amitié, on est heureux de t'offrir ça. Fait que Jubei, OK, il se bat contre Gamma, puis là, c'est malade. Puis là, ils sont dans le bateau, puis ça brûle. Ah, feu, oui. Puis Gamma, il a coupé son bras, il le remet, il s'est fait péter la tête, il s'est reconstruit la tête. Jubei, il a un bras de pété. C'est fou l'intense. Ouais. Puis là, l'or, tout chaud, fondu, arrive vers lui. Exactement. Puis là, Jubei dit... Burn in your golden hell! Gamma! Rajoute Gamma, en fait. Oui, oui, oui. OK. Ouais. Fait que ça, c'est quand même très cool. Ouais. Puis c'est une phrase qu'on savait... Moi, ça faisait des années que je l'avais pas vue, puis je me rappelais. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Tu sais, c'est la phrase qui reste. Ouais, parce que la livraison est bonne, le timing est bon, la phrase est bonne. La dernière phrase qui dit avant de recouper le bras, puis là, c'est fini, il s'en va dans l'océan. Bon, tu te rends compte que ça serait historique, mettons. Ouais. Tout ça, c'était arrivé pour vrai. Là. Ouais. Gamma, il est encore quelque part dans le fond de l'océan, conscient, mais complètement congelé dans de l'or. Il a jamais, il peut pas nager, là, il peut pas... Il est là, puis il attend, puis ça fait genre 3000 ans qu'il attend. Peut-être pas 3000 ans, mais bon. Tu sais. Une petite pensée pour Gamma. Ouais. Puis pour Julien. Ouais. On t'aime, Julien. Ouais. Moi, la shot finale, je sais pas pourquoi, mais c'est une de mes shots préférées de tout le film. Mm-hmm. Évidemment, la mission... Ça finit comme ça commence. Exact. Puis c'est ça qui me touche. Je sais pas pourquoi ça vient trouver de quoi de nostalgique ou de je sais pas quoi. Mais la mission est finie. Kagero, on l'a pas dit, mais elle meurt. Ouais. Et elle donne son espèce de bandeau qu'elle a, qui a une pierre au centre. Ouais. Bon, et je fais le dernier fight, blablabla, tout est fini. Il voit le petit vieux qui l'a genre crossé pour l'aider. Mm-hmm. Finalement, il l'envoie chier, fait fuck you, je veux plus jamais te revoir. Mm-hmm. Puis là, il jump quelque part, puis c'est pas important où, puis il y a une transition. Puis on focus sur le bandeau de Kagero, qui est maintenant attaché katana. Après son pommeau de katana. Ouais. Puis on le voit marcher dans une espèce de tempête de sable au loin. De dos. Ça dure 2 secondes. Mm-hmm. Mais c'est juste pour dire, ce gars-là, il a vécu de la shit. C'est une des grosses aventures qu'il a vécu. Mais il en a vécu bien d'autres avant. Puis il va s'en vivre vers une autre. Bien d'autres après, exactement. Ouais, ouais. Et ça résume très bien le personnage juste en ces 2 secondes. Exactement. Ouais. Je trouve. Puis visuellement, c'est sublime, là, juste de le voir tête penchée avec son souvenir qu'il y a sur son katana. Mm. Marcher dans une tempête de sable, c'est magnifique. Ouais. Fait que mot de la fin, je pense qu'on le recommande en hostie. Là. Ouais, même on est au fit. Même aux gens qui ne trippent pas animé, tu penses que ça pourrait bien passer? Je pense que c'est un de ceux qui passe le mieux. Ah oui? Akira passe moins bien à cause du troisième acte, puis de l'espèce de trop de confusion dans le scénario. Ouais. Mais tu dirais pas que Ninja Scrolls, c'est tout ou rien, genre, soit le monde embarque à fond ou pas du tout? Moi, toutes mes amis qui ont jamais poursuivi leur intérêt vers les animés japonais ont trippé ce film-là. Okay. Même Evelyne, qui est mon ex et mon amie encore aujourd'hui, j'ai fait écouter ça, puis elle a trippé bien raide. J'ai assis Cowboy Bebop avec, puis elle s'en crissait un peu. Elle était comme non, je suis pas dedans. Mm-hmm. Ninja Scroll, elle a embarqué parce que c'est comment que tu dis ça, direct, droit au but. Ouais. Le rythme est excellent, ça coule tout le long. Il y a juste assez de bagages intellectuels pour te garder intéressé. C'est extrêmement divertissant. Puis c'est extrêmement divertissant, puis c'est beau à regarder, puis c'est comme... C'est quelque chose qui est unique, puis qui ressemble à rien d'autre. fait que, ouais, je recommande... pour moi, c'est genre 9.9 sur 10. Ça. OK. Je vais m'haïr après, là, mais ouais. Je pense qu'il y a une réédition DVD quelques années, qu'ils ont carrément pris ça comme matériel de promotion. Ils ont carrément dit 100% sur Rotten Tomatoes, le site agrégateur de critiques. Wow, je savais pas ça. T'as-tu vérifié s'il est encore 100%? Non. OK, on va checker après le show. Ouais, ouais. On vous en reparle jamais. Ben voilà, Ninja Scroll, toujours aussi bon. Ouais. Puis, classic. Voilà. Fait qu'on va se quitter en musique. avec un petit morceau un peu plus en douceur. Okay. Je vais te ramener dans le passé, plus passé que ça. On s'en va en 1989. OK. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé cette année-là? Batman est sorti de Tim Burton. OK. Mettons, sortie technologique. En 89, j'ai aucune idée, man. Sega Genesis. Oh! Ben oui, c'est clair. Fait qu'on va écouter une pièce du compositeur Yuzo Koshiro. D'un des premiers jeux qui est sorti sur le Genesis, c'est Revenge of Shinobi. Oh my god, ça fit! Ouais, fait que la toune, c'est My Lover, que je dédie à mes personnes préférées. Fait que pour toi, Marie-Ève. OK, bye! Bye! Salut!